Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire des Américains au goulag, le rêve brisé d'Américains ayant cru au paradis soviétique. I was born December 4th, 1931. They put my mama in the hospital. She had at least 5 nurses to help her take care of me, as if she was a celebrity of some sort. Iossif Staline Kim Rhone, ainsi nommé en l'honneur de Joseph Staline, est le premier bébé noir qui va naître en URSS de parents américains en 1931. Il raconte dans cette entrevue diffusée en 2016 qu'au moins 5 infirmières aidaient sa mère à s'occuper de lui quand il est né, un peu comme si sa mère et lui-même étaient des célébrités. La scène, qui peut paraître totalement surréaliste, s'explique par le contexte de l'époque. Dans les années 30, des milliers, probablement même des dizaines de milliers d'Américains vont partir vivre en URSS dans l'espoir d'y avoir une vie meilleure. Beaucoup d'entre eux partiront là-bas en espérant tout simplement y trouver ce paradis du socialisme soviétique qu'on leur avait promis. It is true that there have been difficult times for the Russian people during the development of their great and bold experiment. Il est vrai que les Russes ont connu des moments difficiles au cours du développement de leur grand et audacieux projet. Mais regardez-les aujourd'hui. À Moscou, les rues sont larges et une panoplie de commerces s'offre aux moscovites. Et les touristes aussi apprécient le fait d'avoir autant de choix pour les nécessités de leur vie. Now we have heard much of the poverty and ignorance. Comment avons-nous pu entendre qu'il y avait autant d'ignorance et de pauvreté chez les paysans russes? Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Les Russes, dans le nouveau régime, se déplacent et font des tas de choses. Vous ne les retrouverez peut-être pas souvent en train de rire ou de blaguer, mais vous porterez attention au sérieux qui les habite. Ils ont une énorme responsabilité sur les épaules. Moscou n'est pas différente des autres villes de l'Ancien Monde. Des foules se répandent dans ces gares ferroviaires et électriques. On retrouve des taxis, des chariots, des cars, des automobiles, des rues remplies de gens, des commerces et même un système de métro. Extrait du documentaire « Soviet Russia Through the Eyes of an American » réalisé en 1935 par Charles Edward Stewart, un ingénieur américain parti travailler en URSS dans les années 30. Un extrait qui nous en dit long sur le contexte et l'état d'esprit de l'époque. Ce film de propagande en faveur de l'URSS est réalisé, je vous le rappelle, par un réalisateur américain en 1935. Ce film-là va être présenté aux États-Unis dans les années 30 et 40. Pour nous parler de cette époque où des milliers d'Américains vont décider de partir refaire leur vie en URSS. Mon invité, l'historien André Champagne, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Cette histoire que vous nous racontez aujourd'hui, André, elle est assez peu connue. On l'a, en fait, assez longtemps reléguée aux oubliettes carrément. Pourquoi, André? Parce que, visiblement, c'était un moment de l'histoire soviétique qui n'avait pas interpellé les historiens, les spécialistes de l'URSS, et il y a également la question, la difficulté d'accéder aux archives. Et pourtant, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que des milliers de citoyens américains, dont des membres de leur famille avaient quitté les États-Unis pour aller travailler en URSS, ont fait des démarches auprès du département d'État, auprès de l'ambassade américaine à Moscou, pour s'enquérir du sort de leurs parents, de leurs frères, de leur sœur qui avaient cru au paradis socialiste. Dont ils n'avaient plus de nouvelles. Donc ils n'avaient plus de nouvelles. Les journaux en ont probablement parlé. Il y a eu des demandes qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a envoyé des requêtes, on a envoyé des lettres au président Roosevelt, à son vice-président Wallace, quand on a appris qu'il allait faire une tournée en URSS en 1944. Ouais. On lui a demandé de s'enquérir du sort de ces gens-là. On a même envoyé des lettres aux ambassadeurs américains, notamment Joseph Davis. Et étant donné que ces requêtes-là avaient été faites, ça, à mon sens, ça aurait dû interpeller l'historien, mais avant que ce journaliste historien Tim Tudalis ait fasse son livre Les Abandonnés, donc The Forsaken, qui a été publié en 2009 en France et puis en 2008 aux États-Unis, Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Il n'y avait à peu près pas de littérature. En fait, je ne crois pas qu'il y ait eu de littérature historique sur cette question-là. Parce que c'est honteux, au fond, André. Les États-Unis ne veulent pas s'intéresser à cette histoire pour des motifs peut-être idéologiques. On ne veut pas admettre qu'il y a eu une attirance de bons Américains capitalistes qui rêvent du paradis socialiste. Puis la façon dont on a abandonné ces gens-là aussi, c'est honteux, au fond. C'est tout à fait honteux. Puis il y a probablement un sentiment de culpabilité d'avoir abandonné ces gens-là. Mais vous avez raison d'évoquer le fait que au cours des années 30, ces Américains qui avaient choisi de quitter les États-Unis pour aller œuvrer à l'expérience, croyaient-ils, de la construction du socialisme, du paradis socialiste, ils étaient perçus aux États-Unis comme des traîtres, comme des gauchistes, comme des communistes, comme ce que les Américains appellent des Reds, des Rouges. Donc, quelque part, ils avaient quitté les États-Unis, débrouillez-vous. Et en plus de ça, ces pauvres gens-là, en arrivant, très souvent, les autorités soviétiques leur suggéraient d'adopter la citoyenneté soviétique. Et pour ce faire, ils devaient remettre leur passeport américain. Ouais. Conséquemment, dès cet instant, leur sort était scellé. Parce qu'à partir du moment où ils n'avaient plus le passeport américain, c'est à toute fin pratique, l'ambassade américaine qui ouvre en 1933, parce que les relations entre Moscou et Washington commencent en 1933. Avant ça, les États-Unis ne reconnaissaient pas l'Union soviétique. Donc, sans être munis de leur passeport, les officiels américains à Moscou ne les reconnaissaient pas. Ouais, avoir ou ne pas avoir son passeport va éventuellement devenir, pour certains, carrément une question de vie ou de mort. De vie ou de mort, oui. Ouais. Qu'est-ce qui les pousse? C'est difficile quand même de comprendre aujourd'hui, mais il y a quand même un contexte économique entre autres. Qu'est-ce qui pousse autant d'Américains à partir vivre en URSS dans les années 30, André Chambon? Comme le reportage qu'on a entendu tantôt, ce film de propagande de 1935, au début des années 30, on croyait que l'avenir de l'humanité se jouait en URSS. On croyait que le capitalisme, étant donné la crise qui avait commencé en 1921 puis 1930, on croyait que le capitalisme était moribond et que le communisme était l'avenir de l'humanité. Et en plus de ça, vous aviez beaucoup d'éléments progressistes aux États-Unis. Vous aviez des Américains qui croyaient au rêve socialiste et surtout le chômage. En 1932, lors de l'élection qui amène au pouvoir Franklin Delano Roosevelt, il y a 12 millions de chômeurs aux États-Unis. Si vous ajoutez à ça les gens qui n'ont que le travail à temps partiel, on peut en ajouter encore quelques millions. Donc, en Amérique, depuis le début de la crise, c'est un contexte catastrophique. Alors qu'en URSS, le premier plan quinquennal avait été lancé en 1928, c'était le plein emploi et l'Union soviétique achetait des usines clés en main aux États-Unis, notamment la fameuse usine Ford qui avait fabriqué le fameux Model T. Donc, cette usine-là, il faut la démonter, il faut la remonter en Union soviétique. Donc, Il faut du personnel. Dans le contrat de vente conclu entre le gouvernement soviétique et Ford, il était spécifié que Ford devait fournir des ingénieurs, des travailleurs spécialisés pour remonter l'usine, former les travailleurs soviétiques. Les Américains ont travaillé à la construction de barrages hydroélectriques en Union soviétique. Il y a eu plein de projets conjoints entre les États-Unis et l'URSS et ça donnait du travail à des ingénieurs, à des travailleurs, à des bûcherons, à des mineurs. Donc, il y a une logique. Avec les yeux d'aujourd'hui, on se dit que c'est complètement fou braque de s'en aller là-bas. Mais non, il y a une logique. On meurt de faim aux États-Unis. Il n'y a plus d'emploi. Puis à l'époque, il n'y a pas de programmes sociaux. Ouais. Tu perds ton travail à l'époque. T'es voué vraiment aux soupes populaires. Alors, face à un gouvernement qui ne faisait rien, qui ne levait pas le petit doigt pour sa population, eh bien, l'espoir que suscitait Moscou, on peut le comprendre et on doit le comprendre. Puis en plus de ce contexte économique très, très difficile des années 30 aux États-Unis, s'ajoute une formidable machine à propagande. Il y a déjà cette guerre idéologique entre les deux blocs. La propagande soviétique, elle est partout, entretenue par les différents partis communistes des différents pays occidentaux. Je vous propose un extrait, justement, qui nous met un petit peu dans le ton de l'époque. Un représentant du Parti communiste français, Paul Vaillant-Couturier, extrait d'un discours qu'il prononce en 1930. Deux mondes, le monde capitaliste, le monde socialiste. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Dans l'un, le monde capitaliste, une baisse continue du pouvoir d'achat des masses, diminution des salaires, chômage. Dans l'autre, le monde socialiste, une hausse continue du niveau de vie des masses, montée des salaires, pas de chômage. Sur tous les terrains apparaissent les différences entre les deux mondes, celui qui descend et celui qui monte. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles? Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchévique, au parti de Lénine et de Staline. L'URSS montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique, l'URSS, c'est la jeunesse du monde. Ce genre de discours qu'on vient d'entendre, André Champagne, il existe partout en Occident, aux États-Unis évidemment également. Vous avez entendu la jeunesse du monde. Oui. Oui, ce discours-là était répandu partout dans les pays qui étaient en difficulté, qui étaient en crise. Et les travailleurs y croyaient. Et d'autant plus que la propagande antisoviétique était tellement forte que pour beaucoup de travailleurs, on se disait ça doit être exactement le contraire. Parce que si la propagande, si l'anticommunisme est si puissant, c'est parce qu'on nous dissimule quelque chose. Et l'URSS, depuis le régime de Lénine et Staline, depuis la prise du pouvoir en 1917, a annoncé les lendemains qui chantent. Et on y croyait, ouais, à ça. Les gens n'ont pas idée de la foi communiste qui était présente au cours des années 20, au cours des années 30. Dans les milieux ouvriers principalement. On disait que le communisme, c'était l'avenir de l'humanité et on y croyait. On parlait de la grande lueur à l'Est et cette idée-là était alimentée par beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains. Ouais. Prenez par exemple André Gide. Dans son journal, il écrit en 1931 qu'il donnerait sa vie pour la réussite du premier plan quinquennal. Bon, il déchante après son retour à l'été 1936, mais c'est comme ça qu'il voyait. Ouais. L'avenir. Ouais. Et puis à Montréal, ça existe aussi, un peu dans les milieux ouvriers, mais à Montréal particulièrement et surtout dans la communauté juive. On écoute la syndicaliste et militante communiste québécoise Léa Robach parler justement de cette attirance de certains juifs du Québec et de Montréal pour l'URSS à l'époque. Extrait de l'émission « La communauté juive du Québec » diffusée en 1982. Que représentait l'URSS pour les jeunes juifs des années 30 à Montréal? À Montréal, dans les années 30, c'était comme le paradiso, hein? Là, ici, là, il faut changer ça parce que il nous faut un pays au Canada comme ils ont en URSS. Ça, c'était le paradiso. C'était l'exemple qu'on donnait. Ça, c'était pour les juifs communistes, bien entendu, hein? On parle des juifs communistes. Il y avait des juifs qui étaient ici depuis assez longtemps et qui avaient ce sens de socialisme peut-être et qui voyaient cette lueur parce que les choses ne marchaient pas rondement ici, vous savez. Ça, c'est les années 30. Les années 30, les années 20. C'était pas facile ici. Qu'est-ce qui attire tant de... Et pourquoi les Juifs, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui attire tant de Juifs montréalais là-bas? Pour la très simple et très bonne raison que beaucoup de Juifs montréalais sont originaires de Russie, d'Ukraine, de Pologne, donc de l'Europe, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, de Russie. Donc, ils ont conservé un certain lien. Et pour ces premiers Juifs-là, arrivés à Montréal à la fin du 19e, au début du 20e, ce n'est pas facile. Il y a énormément de discrimination à leur endroit et vous avez toujours cette espèce de tradition chez les intellectuels juifs de tentation pour les idées progressistes, les idées socialistes. C'est pas un hasard si Trotsky était juif, Kamenev, Zinoviev, c'était des juifs. Donc, vous avez toujours une frange chez les intellectuels juifs extrêmement progressistes et qui sont souvent à l'origine de la formation des partis communistes, oui, ou des syndicats très militants. Revenons aux Américains qui, très nombreux, partiront en URSS dans les années 30. Qui s'embarque pour l'URSS? Qui sont ces Américains, André Champagne? Ce sont foncièrement des travailleurs de l'automobile, ce sont des bûcherons, ce sont des mineurs, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sont... ce sont des travailleurs, des emplois qui sont requis, qui sont demandés par l'AMTROG, cette espèce d'organisation soviétique qui a ses bureaux à New York et qui recrute et qui publie des articles dans les grands quotidiens américains, des demandes d'emploi et qui reçoivent des dizaines, voire des centaines de milliers de réponses. Il y a, par exemple, en 1931, l'AmTrak à New York va demander 10 000 travailleurs. Ils auront 100 000 demandes. Il y a même des Américains qui ne seront pas recrutés et qui vont décider de leur propre chef de se rendre en URSS avec des visas de touristes, croyant qu'ils trouveraient, oui, facilement du travail. Il y avait toujours le problème de la barrière linguistique. Ceux qui étaient absolument nécessaires, comme par exemple pour remonter les usines achetées clés en main aux États-Unis, eux, évidemment, ils étaient relativement bien traités. Oui. Mais c'était foncièrement des Américains qui n'avaient pas de travail. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il travaille? Comment ça se passe les premières années? Les premières années, c'est-à-dire que le côté travail, ça se passe relativement bien. Ils sont relativement bien accueillis. Mais ce qui est un choc pour les Américains, c'est le mode de vie soviétique. C'est ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de villes se sont développées vraiment de façon extrêmement en accéléré au début des années 30. Donc, c'était des villes qui n'avaient pas été préparées pour recevoir des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs. Et dans certains cas, on parquait tout simplement les ouvriers dans des espèces de hangars avec des dortoirs communautaires. Mais assez rapidement, on va construire ce qu'on va appeler les appartements communautaires, les communalcas, oui. Où là, les familles, cinq familles en moyenne devaient se partager une chambre de bain et une cuisine. De cette façon-là, le régime prétendait qu'on développait l'esprit communiste, alors qu'en réalité, ça permettait aux habitants du communalca de se dénoncer, de s'observer, de s'épier, et aussi... Des appartements, en fait, où il y a un mélange là, d'Américains, d'Occidentaux, il y aurait les Français aussi, et de Russes. Tout à fait. Et aussi, ce que les Américains trouvaient difficile, c'était l'économie de pénurie. Ils faisaient faire la ligne pour trouver un peu d'aliments, des vêtements, tout simplement, pratique, il n'y en avait pas. C'était pas le confort. Et c'était pas l'image que la propagande soviétique projetait du paradis des travailleurs. Et ça va donner des images assez surréalistes. Au parc Gorky, par exemple, au cœur de Moscou, on va jouer au baseball. Au baseball, oui, on va jouer au baseball. Pourquoi? Parce qu'au départ, étant donné que cette main-d'œuvre-là est importante, donc on crée des clubs de baseball. Il y aura un club de baseball à Moscou, il y en aura un autre à Nijni Novgorod, il y en aura un à Gorky. Je pense qu'il y en a 6 ou 7, et puis ce sont des Américains qui pratiquent le baseball, et puis ça attire des passants soviétiques. Mais il y a une anecdote assez amusante, c'est que ce que les Soviétiques trouvaient d'inacceptable dans le baseball, c'était l'idée de voler des buts. Pour les Soviétiques, voler des buts, c'était typiquement un comportement capitaliste. C'est pas très communiste. Non, c'est pas communiste du tout. Et aussi, problème pour les équipes de baseball, la pénurie de bâtons, de balles et de gants. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. L'hymne national de l'URSS, vous l'avez bien noté, chanté en anglais par l'artiste américain Paul Robeson en 1941, André Champagne, déjà cette année-là, à ce moment-là, le vent a tourné parce que ça commence à se corser autour de 1937 pour les Américains. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, ils deviennent tout à coup ennemis du peuple, ces Américains venus vivre en URSS? Vous l'avez dit, 1937, c'est le début de la Grande Terreur. Le régime se durcit considérablement et Staline, paranoïaque, méfiant, croit que n'importe quel ressortissant soviétique d'origine étrangère est un espion potentiel. Et en plus de ça, 1937, les usines ont été remontées. Cette main-d'œuvre américaine n'est plus vraiment nécessaire. Mais, étant donné que les deux premiers plans quinquennaux ne sont pas un grand succès, étant donné qu'il y a beaucoup de mécontentement sur l'ensemble du territoire soviétique et plus particulièrement dans les grandes villes, le régime se met en mode panique et conséquemment essaie de trouver des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, ce seront tout simplement ces ennemis du peuple qui seront littéralement traqués, chassés, arrêtés pour toutes sortes de raisons, accusés d'actes d'espionnage pour le compte des soit de l'Allemagne, soit de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Et tous ces travailleurs américains-là, du jour au lendemain, deviennent suspects. On n'a plus besoin d'eux. Et ils commencent à disparaître, tant et si bien que c'est la panique qui s'installe dans la communauté américaine du RSS. Et on multiplie les démarches auprès de l'ambassade américaine, auprès des consulats américains. Mais le problème est très simple, c'est que n'importe quel travailleur américain qui est immigré en URSS, qui essaie de contacter son ambassade ou son consulat, les ambassades et les consulats sont surveillés par la police secrète, par le NKVD. Alors, ces gens-là sont interpellés et on ne les revoit jamais. Et ceux qui ont la chance de pouvoir entrer en contact avec les officiels américains, alors là, ils vont se heurter vraiment à une indifférence totale. Pourquoi? Parce qu'on leur reproche « Pourquoi avez-vous quitté les États-Unis? Vous avez choisi de venir vivre en URSS. Vous n'avez plus de passeport américain. C'est votre problème. » De toute façon, ils n'avaient même pas les dollars nécessaires pour enregistrer la demande. Il n'avait pas de photographie. Et s'il n'avait pas de photo, il ne pouvait pas faire la demande de passeport. Et il faut bien le voir, le deuxième ambassadeur américain en URSS, Joseph Davis, se moquait éperdument de ces gens-là. Joseph Davis était tellement naïf qu'il assistait au grand procès, ouais, au grand procès stalinien, et il croyait que justice était rendue. Donc un certain aveuglement volontaire, c'est dans l'air du temps. On y croit, même les Américains, mais cet ambassadeur y croit un peu. Et puis on soigne ses relations, André. Mais ça va bien avec l'URSS. Voilà, et c'est vraiment, on ne veut pas heurter la sensibilité, ouais, ce serait de la deuxième Staline guerre et du gouvernement soviétique. Quelques années plus tard, URSS et États-Unis seront alliés dans cette guerre. Oui, mais malgré cette alliance-là, malgré le fait qu'en 1943 à Téhéran et en 1945 à Yalta, Roosevelt rencontre Staline, à aucun moment Roosevelt ne s'est enquéri du sort de ces citoyens américains-là, disparus. Il y a même disparu. Faut le dire, carrément, parfois éliminés, mais ils vont se retrouver au goulag. Là. Exactement. Certains sont tués d'office, d'autres sont envoyés au goulag, notamment dans les régions périphériques. Et là, on pense à la fameuse péninsule de la Colima, à l'extrémité nord-est de la Sibérie. Pourquoi la Colima? Parce que c'est là qu'on trouve des gisements d'or extrêmement, ouais, importants. Et soit dit en passant, cet or-là sert à financer des achats qu'on fait aux États-Unis. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en 1944, la compagnie soviétique qui exploitait la péninsule de la Colima, la fameuse Dastroï, invite le vice-président Wallace, mm-hmm, à faire une tournée de cette région minière-là, et il est complètement berné, il est complètement dupé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a dissimulé tous les détenus du goulag et on a habillé les hommes du NKVD, les gardiens, en travailleurs. Ouais. Et Wallace voit ces gens-là, il dit, mais ces rumeurs-là sont totalement fausses. Il va passer 25 jours là-bas, ça va donner un documentaire propagandiste qui va être diffusé, qui va être projeté aux États-Unis. Dernière question, où en sont aujourd'hui les Américains avec cette histoire qui a des odeurs un petit peu honteuses pour eux? L'historiographie, elle en est où? L'historiographie américaine, le pouvoir politique américain, il en est où par rapport à cette façon dont on a abandonné, là, par rapport à cette ignominie? Avec la glasnost, à partir de 1986-87, des familles américaines ont fait des demandes, ont fait des requêtes auprès du gouvernement américain, ont pressé l'administration Reagan, l'administration Bush et l'administration Clinton de s'enquérir du sort. Et Gorbatchev niait. Ouais. Ça a pris Boris Yeltsin pour dire oui, nous savions, oui, nous avons détenu. Non seulement on a détenu dans des goulags des travailleurs américains, on en a fusillé énormément, mais au-delà de ça, des pilotes d'avions américains, de bombardiers américains qui avaient été abattus au-dessus du territoire, ouais, allemand et qui étaient dans des camps de prisonniers allemands libérés par l'URSS, l'URSS les a conservés. Et l'URSS, jusqu'à Yeltsin, a nié qu'elle avait gardé des prisonniers de guerre américains, même des prisonniers de guerre américains de la guerre de Corée, ouais, capturés par les Coréens, après, ont été gardés dans des camps soviétiques. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.